Ça a trop changé au quartier. Je passe là-bas, y'a même pas un champ. Ici personne se contente d'une moitié, ça va régner sur le quartier, même si dedans y'a un petit. Ambitieux comme Ragnarok, bro, pour aller vers un sein, il devra pas rester dans le bloc. On touche pas à coq comme cette folle de Hancock. Et encore, on peut même plus leur trouver trop de drogue dans le corps. Elle veut me faire croire que je ne vole pas gros comme ce putain de porc. Tu comprends, si je te nique ta mère, c'est que tu mérites ça. Le peuple en le planque, et c'est une bonne prod, t'inquiète, on kick ça. Oh là là, les blablabla qui tombent sur moi. Oh là là, je menace tous et je prends sur moi. Je les ai niqués fort, en plus de ça, je fais pas d'efforts. Ma prison, elle est dorée, mon arrivée dans le game, elle est hardcore. J'ai pas tendu le coude pour faire de la musique et puis travailler le buzz. J'ai senti la secousse, au sud, je sors, j'arrive, j'ai le cerveau qui se creuse. Et on s'en fout de ta putain de grosse caisse. Moi, je réveille tout le monde quand je passe à la tête. Et on veut pas de ton aide ni de ta pièce. Tu feras la famille. Ou en rouge on va repeindre ta pièce. Oh là là, les blablabla qui tombent sur moi. Oh là là, je baisse à tous et je prends sur moi. Je baisse, oh là là, les blablabla qui tombent sur moi. Oh là là, je les baise à tous et je prends sur moi. Je baisse.